Monsieur, je suis bien élevé. Madame, je suis bien élevé. Monsieur, je suis bien élevé. Madame, je suis bien élevé. J'ai nettoyé mon palier. Il n'est pas arrivé le jour où l'on viendra me casser les pieds. Je suis de la haute société. Il est vrai, je me poudre le nez. Mais ça, faut pas l'avouer. Faut pas l'avouer. C'est là que l'on reconnaît quelqu'un de bien éduqué. C'est là que l'on reconnaît quelqu'un de bien éduqué. Monsieur, je suis bien élevé. Madame, je suis bien élevé. Monsieur, je suis bien élevé. Oh, madame, je suis bien élevé. Je n'ai juste pas envie de me lever. Mon palier est votre cité. Le jour où l'on viendra me porter, je serai un poids de la haute société. Il est vrai qu'ils n'ont pas pensé, mais ça, faut pas l'avouer. Pchut, faut pas l'avouer. C'est là que l'on reconnaît l'égoïsme très bien éduqué. C'est là que l'on reconnaît l'égoïsme très bien éduqué. Monsieur, je suis bien élevé. Madame, je suis bien élevé. Monsieur, je suis bien élevé. Madame, je suis bien élevé. J'ai une maman bien formatée et un papa légalisé. Le jour n'est pas encore arrivé où ils vont s'en tirer. La haute société n'a pas de pitié, mais ça faut pas l'avouer. Chut, faut pas l'avouer. C'est là que l'on reconnaît un cœur super éduqué. C'est là que l'on reconnaît un cœur super éduqué. Monsieur, je suis bien élevé. Madame, je suis bien élevé. Monsieur, je suis bien élevé. Oh, madame, je suis bien élevé. Monsieur, madame, vous n'êtes que des gros enfoirés.